France Impro, ça donne chaud. Salut à tous, c'est bien France Impro, ce matin qui commence. Et voilà, on est avec Dominique, c'est Jean-Michel au micro. Bonjour, je suis... Bonjour du micro bleu, est-ce qu'on entend le micro bleu dans ça la salle? Ça y est, le micro bleu est parti. Bonjour Toulouse, c'est France Impro. C'est un peu l'arrache ce matin, c'est bien. Et ben voilà, on est, il est 10h, c'est, on va vous faire une petite émission improvisée, semi-improvisée. Il y a des choses marrantes, il y a de la, des musiques composées d'auteurs contemporains du coin et puis de, d'un peu plus loin de Toulouse. On a de l'impro aussi, peut-être on va faire un peu de son en live dans le studio. Voilà, on va commencer par un truc qu'on va vous passer maintenant et puis... Et puis on verra ensuite. On en parle. Ai fer, que cai pontos cai pnoiai, ure a tempe a segato, ejoi zongoi tornizon, melei garpros gemas baini, foibos acersecomas eujaitas. Voilà, on vient d'écouter de la musique de la Grèce antique. C'est pas courant. C'est pas courant. Sur France Impro. Non, ni sur France Impro, ni ailleurs. Hein. C'est... En fait. On vient d'écouter deux morceaux qui étaient l'hymne soleil. Donc je me dis que vous vous levez peut-être. Et avec ce beau soleil demain, ce matin, ça vous faisait une petite résonance dans vos oreilles ébahies. Et l'hymne à la muse ensuite. Voilà. Voilà. Alors, les, évidemment. C'est... On a très peu d'informations sur la musique de la Grèce antique, donc c'est à moitié une réinterprétation du peu de matériel qu'on a, parce que c'est du matériel qui prédate l'écriture de la musique, enfin les systèmes d'écriture normés. Donc on interprète et on réinvente en fonction de ce qu'on sait, en fonction des écrits. Voilà, et c'est évidemment... La musique étant très peu écrite, elle est énormément improvisée. Voilà, donc ce que vous venez d'entendre, ça n'a existé qu'une fois lors de l'enregistrement. On en, fait un, on en passe un autre ? Non, on va passer, on peut passer à autre chose, à quelque chose d'un peu plus courant pour les, enfin, un peu plus familier pour les oreilles des auditeurs de France Impro. Ce que j'ai prévu là, c'est un disque d'un compositeur qui s'appelle Sylvain Chauveau. Il a bossé dans des musiques de films, et puis après il fait partie, il vient du rock. On en parle ensuite. J'ai qu'une platine disque ce matin, donc ça va être un peu compliqué. L'autre est en panne. Et donc il faut raconter des blagues pendant que tu changes. Il faut raconter des blagues entre deux disques, exactement. Voilà, c'est un morceau assez court. C'est un album qui est sorti en 2001 qui s'appelle Nocturne Impalpable. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance. Oui, ça sent vraiment la musique de film. C'est le cas ou pas du tout ? A priori, non. Cet album, non. Je ne pense pas. Il est sorti sur un label qui s'appelle Les Disques du Soleil et de l'Acier en 2001. Il y a plein de musiciens dessus. Hein. Il y a beaucoup de choses. C'est un musicien qui vient de la scène rock, qui s'est inspiré des musiques contemporaines, Satie, Ravel et plein d'autres. Il y a aussi de la peinture, enfin de les musiques minimalistes et aussi des peintures abstraites et choses comme ça. Et à travers ces univers-là, il compose. Quoi. Moi, c'est un musicien que je connais peu, mais je suis revenu par hasard. En fait, d'accord. Et les morceaux sont vraiment indépendants ou ils s'enchaînent parce que ça sonne presque comme une introduction, ce que ça donne envie d'en entendre plus. Écoute, j'en sais rien en fait. Le morceau s'appelle Blanc. Et ensuite, il y a un morceau qui s'appelle Cet enfer miraculeux. On peut essayer on peut d'écouter. Hein. Allez. Voilà, on vient d'écouter deux morceaux. Le premier s'appelait, donc tout à l'heure c'était Blanc. Et ensuite, on a écouté maintenant un morceau qui s'appelle Cet enfer miraculeux. Et ensuite, Radiophonie numéro 1. Voilà, c'était Sylvain Chauveau. En fait, il compose hein, depuis 1998 à peu près des projets solo, avec des groupes aussi comme Arca, comme je sais plus, enfin pas mal de groupes en fait qui lui ont permis de tourner dans le monde, en Asie, en Europe et aux États-Unis. Il publie aussi sur les labels Fat Cat où il y a d'autres albums qui s'appellent par exemple Un autre décembre, Nuages, Touching Down Lightly. C'est le titre de certains de ses albums. Voilà, c'est une ambiance qui me plaît bien. Une découverte pour France Impro et peut-être pour vous aussi. Je vous propose d'enchaîner dans une ambiance qui je trouve pas très éloignée. C'est un compositeur japonais qui est plutôt une star, mais on en parlera ensuite. On va le passer, puis ensuite on verra. Voilà. C'est parti. Voilà, c'était... Je m'entends pas, moi. C'était... Jun Miyake. Jun Miyake, qui est un compositeur et trompettiste japonais. Trompettiste. D'accord, tu me disais saxophoniste tout à l'heure. Tu mets un morceau en tant que du piano, donc tu comprendras que je sois un peu perdu. Ouais. Non, il est trompettiste. D'accord. Il est trompettiste, en fait, moi je le connais peu, c'est le deuxième album que j'écoute de lui, c'est une star en fait ce mec-là. Il a bossé pour le cinéma avec Wim Wenders, Robert Wilson, des gens comme ça. Quoi. D'accord. Il a bossé pour la pub... Il a bossé pour le gouvernement du Japon, je crois, pour un hymne national. Je ne sais plus qu'il a réarrangé, je ne sais pas trop. Et okay. Pareil pour la musique. Quoi. En tout cas, tu parlais de Satie tout à l'heure pour le premier morceau. Oui, non, tu ne t'en parlais pas pour le premier morceau, mais effectivement, quand on entend le premier morceau, ça sent le Satie à plein nez. Quoi. Et ouais. Voilà. Le deuxième, pas du tout, par contre, effectivement. Le deuxième, c'est plus proche de ce qu'il fait d'habitude. Hein, d'accord. De ce qu'on entend sur ses albums en général. Quoi que ce soit, c'est varié. Qu'est-ce qu'il faut dire de lui encore? Avec des musiciens, il a bossé avec Pina Bausch, par exemple. Mmh. C'est lui qui a fait la musique d'un film aussi. Il a bossé avec des gens comme Ron Carter, Michael Brecker, enfin des gens du jazz. Oui. Voilà. Ok. C'est une ambiance. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute un autre. Il est 25, on a un petit peu de temps. Allez, on s'en écoute un dernier morceau de son album. Alors, on va faire comment? On va faire ça. Thank you. c'était Yun Miyake, son théâtre des souvenirs perdus. Et je vais lire et traduire les premières notes de son livret. Donc c'est de cet album qui s'appelle Le théâtre des souvenirs perdus. Donc comment est-ce que quelqu'un peut retrouver un souvenir perdu? Je n'ai pas pu m'empêcher de me poser cette question après avoir fini mon album précédent qui s'appelait Act One. Les souvenirs s'activent dans des endroits inattendus à l'intérieur du théâtre, dans une loge royale fermée, en face des miroirs des coulisses, derrière les rideaux, dans un couloir qui mène à la réserve. Tous les souvenirs ont un endroit où ils appartiennent. Tous les souvenirs ont un endroit qui les active. Donc c'est ce qui est extrêmement proustien comme préoccupation. Et je vous propose qu'on vous fasse un peu de musique maintenant avec Jean-Michel à la guitare et moi-même à la percussion. Thank you. Thank you. C'est France Impro sur Radio FMR 89.1. Bonjour Toulouse. Donc c'était Jean-Michel à la guitare, Dominique aux percussions. Et je vous propose qu'on continue avec un duo trompette-percussion. Donc Magnus Bro et Paul Nilsson Love. c'est France Impro. On approche déjà de la fin. Et donc, je vais vous parler du fameux agenda des sonophages, donc, pour les concerts sur Toulouse et dans le coin. Donc, le 25 avril, nous avons. Donc, le 25 avril, c'est. Oula, je ne me trompe pas. C'est mercredi, mardi, pardon. Mardi, nous avons un concert de Arai Tatsuru. Donc, on est très japonais. En ce moment, donc c'est dans la série Les Lundis dédiés, le Dadi au Dada. Donc le Dada, c'est un bar qui est 27 avenue Honoré Serre. Et donc des concerts organisés par Eddie Boubacar. Il y en aura plusieurs dans ce que je vais annoncer aujourd'hui. Donc Architecton, performance sonore et visuelle de Arai Tatsuru. Donc c'est les Lundis dédiés, mais c'est un mardi. Oui, absolument. Bien, bonne remarque, excellente remarque de Jean-Michel. Donc, d'ailleurs, c'est écrit dans le programme. Oui, on sait, le 25 avril, c'est un mardi. Mais bon, Eddie précise qu'il n'est pas un dandy non plus. Voilà. Donc, Arai Tatsuru présente la nature physique fondamentale de l'univers sous forme d'expérience perspective nommée Hyper Serial Music, une musique basée sur des algorithmes pour représenter l'état de l'art en technologie, où l'intelligence artificielle s'ajoute à celle humaine. Voilà, donc c'est à 20h30 précise au Dada parce que ça dure 30 minutes et déconseillé aux personnes présentant des risques d'épilepsie. Voilà. Ensuite, nous allons continuer en mai. Le temps d'appuyer sur le bon bouton. Hop. Nous avons un concert donc au Pavillon Sauvage, Chocolate Billy, Kebab et Velux au Pavillon Sauvage le 2 mai à partir de 20h. Donc. Voilà, donc trois groupes que je ne connais pas, mais au Pavillon Sauvage, ça vaut toujours le coup d'y aller. Donc participation libre et nécessaire. Dans les Pavillons Sauvages qu'on ne présente plus, qui sont 45 rue de Chaussa, à Toulouse. Ensuite, un spectacle le 6 mai, qui s'appelle « Que va-t-il se passer ?» Que peut-il se passer quand quatre artistes aux pratiques différentes, son, image, compte, sont conviés à proposer ensemble quelque chose. Donc Arnaud Bruil, Frédéric Le Junter, Alex A4 et François Épiard travaillent en commun du 3 au 5 mai et offrent une institution le 6 mai au château de Grave. Donc ça c'est à Grave, à Villeroy-Franche de Rouergue. Et le 10 mai, nous avons un concert à Amanita Muscaria. Donc c'est le concert Trio Free Generation, rencontre de trois générations de musiciens, Fred Marty à la contrebasse, Vincent Roussel aux percussions et Henri Hertemann au trombone, sur le mode improvisation sans filet. Ça peut être free, ça peut être impromptu, en tout cas du non formaté. Et effectivement, on peut s'attendre à ça vu le casting. Donc Amanita Muscaria, donc ça va être à partir de 20h30 normalement. Ensuite, le 11 mai, nous aurons un concert Michel Eritzi au Dada, donc à nouveau programmé par Eddie. Donc là, ça tombe un lundi, si tout va bien. Non, pardon, c'est un jeudi. Le 11 mai, c'est un jeudi. Mais voilà, c'est pour le lundi dédié, le deuxième, donc c'est un jeudi. Donc il n'y aura pas de lundi dédié le lundi ce coup-ci. Donc Michel Eritzi, un guitare solo, le plus japonais des guitaristes de blues expérimental français. Donc ça envoie du bois comme présentation. 20h30, entrée libre est nécessaire. Et donc un dernier concert le 12 mai à Amanita Muscaria. Organisé par un archer dans le Yucca, et donc il n'y a pas encore les infos, mais ça va pas tarder. Donc ce sera le 12 mai et ensuite le 13 mai, le samedi matin à 10h, vous retrouverez France Impro pour une spéciale La Rallonge avec notre ami Youssef. Et probablement qui sera suivi par un concert cinéma le soir. Alors ça reste à confirmer pour le lieu, l'horaire et l'événement, mais a priori c'est ce qui serait prévu. On vous en reparlera au moins sur le net et sur les sonophages d'ici là. Ok, et donc c'était, donc je viens de couper brutalement ce que nous venons d'écouter, donc Magnus Bro et Pal Nilsenlove, nos amis norvégiens, en duo aux percussions et à la trompette, et nous allons terminer avec un duo japonais-allemand, comment est-ce qu'on peut dire ça, nippo-allemand, donc Aki Takase et Laurent Newton, un album qui s'appelle Spring in Bangkok. À dans deux semaines, portez-vous bien. been known.